Chapitre 37e. Le vent, pendant la nuit, se reposa de ses violences du jour, et le Victoria demeura paisiblement au sommet d'un grand sycomore. Le docteur et Kennedy veillèrent à tour de rôle, et Joey en profita pour dormir vigoureusement et tout d'un somme pendant 24 heures. « Voilà le remède qu'il lui faut, » dit Ferguson. « La nature se chargera de sa guérison. » Au jour, le vent revint assez fort, mais capricieux. Il se jetait brusquement dans le nord et le sud, mais en dernier lieu, le Victoria fut entraîné vers l'ouest. Le docteur, la carte à la main, reconnut le royaume du Damergou, terrain onduleux d'une grande fertilité, avec les huttes de ses villages faites de longs roseaux entremêlés des branchages de l'Asclépia. Les meules de grains s'élevaient dans les champs cultivés sur de petits échafaudages destinés à les préserver de l'invasion des souris et des termites. Bientôt on atteignit la ville de Zinder, reconnaissable à sa vaste place des exécutions. Au centre se dresse l'arbre de mort. Le bourreau veille au pied, et quiconque passe sous son ombre est immédiatement pendu. En consultant la boussole, Kennedy ne put s'empêcher de dire « Voilà que nous reprenons encore la route du nord. » « Qu'importe, si elle nous mène à Tombouctou, nous ne nous en plaindrons pas. Jamais plus beau voyage n'aura été accompli en de meilleures circonstances. »« Ni en meilleure santé, » riposta Joey, qui passait sa bonne figure toute réjouie à travers les rideaux de la tente. « Voilà notre brave ami, » s'écria le chasseur. « Notre sauveur, comment cela va-t-il ? » ? « Mais très naturellement, monsieur Kennedy, très naturellement. Jamais je ne me suis si bien porté. » Rien qui vous approprie un homme comme un petit voyage d'agrément précédé d'un bain dans le Tchad, n'est-ce pas, mon maître ? Digne cœur, répondit Ferguson en lui serrant la main. Que d'angoisse et d'inquiétude tu nous as causé. Eh bien, et vous donc ? Croyez-vous que j'étais tranquille sur votre sort ? Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait une fière peur. Nous ne nous entendrons jamais, Joey, si tu prends les choses de cette façon. Je vois que sa chute ne l'a pas changé, ajouta Kennedy. « Ton dévouement a été sublime, mon garçon, et il nous a sauvés, car le Victoria tombait dans le lac et une fois là, personne n'eût pu l'en tirer. » « Mais si mon dévouement, comme il vous plaît d'appeler ma culbute, vous a sauvé, est-ce qu'il ne m'a pas sauvé aussi, puisque nous voilà tous les trois en bonne santé ? Par conséquent, dans tout cela, nous n'avons rien à nous reprocher. » « On ne s'entendra jamais avec ce garçon-là, » dit le chasseur. « Le meilleur moyen de s'entendre, » répliqua Joey, c'est de ne plus parler de cela. Ce qui est fait, bon ou mauvais, il n'y a pas à y revenir. Entêté, fit le docteur en riant. Au moins, tu voudras bien nous raconter ton histoire. Si vous y tenez beaucoup. Mais auparavant, je vais mettre cette oie grasse en état de parfaite cuisson, car je vois que Dick n'a pas perdu son temps, comme tu dis, Joey. Eh bien, nous allons voir comment ce gibier d'Afrique se comporte dans un estomac européen. L'oie fut bientôt grillée à la flamme du chalumeau, et peu après dévoré. Joey en prit sa bonne part, comme un homme qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Après le thé et les grogs, il mit ses compagnons au courant de ses aventures. Il parla avec une certaine émotion tout en envisageant les événements avec sa philosophie habituelle. Le docteur ne put s'empêcher de lui presser plusieurs fois la main, quand il vit ce digne serviteur plus préoccupé du salut de son maître que du sien. À propos de la submersion de l'île des Bidioma, il lui expliqua la fréquence de ce phénomène sur le lac Tchad. Enfin, Joey, en poursuivant son récit, arriva au moment où, plongé dans le marais, il jeta un dernier cri de désespoir. « Je me croyais perdu, mon maître, et mes pensées s'adressaient à vous. Je me mis à me débattre. Comment ? Je ne vous le dirai pas. J'étais bien décidé à ne pas me laisser engloutir sans discussion, quand, à deux pas de moi, je distingue quoi ? Un bout de corde, fraîchement coupé. Je me mets à faire un dernier effort, et tant bien que mal, j'arrive au câble. Je tire, cela résiste, je me hale, et finalement me voilà en terre ferme. Au bout de la corde, je trouve une ancre. Ah, mon maître, j'ai bien le droit de l'appeler l'ancre du salut. Si toutefois vous n'y voyez pas d'inconvénient, je la reconnais, une ancre du Victoria. Vous aviez pris terre en cet endroit. Je suis la direction de la corde qui me donne votre direction, et après de nouveaux efforts, je me tire de la fondrière. J'avais repris mes forces avec mon courage, et je marchais pendant une partie de la nuit en m'éloignant du lac. J'arrivais enfin à la lisière d'une immense forêt. Là, dans un enclos, des chevaux paissaient sans songer à mal. il y a des moments dans l'existence où tout le monde s'est monté à cheval, n'est-il pas vrai? Je ne perds pas une minute à réfléchir, je saute sur le dos de l'un de ces quadrupèdes, et nous voilà filant vers le nord à toute vitesse. Je ne vous parlerai point des villes que je n'ai pas vues, ni des villages que j'ai évités, non. Je traverse les champs ensemencés, je franchis les halliers, j'escalade les palissades, je pousse ma bête, je l'excite, je l'enlève. J'arrive à la limite des terres cultivées. Bon, le désert, cela me va. Je verrai mieux devant moi, et de plus loin. J'espérais toujours apercevoir le Victoria, m'attendant en courant débordé. Mais rien. Au bout de 3 heures, je tombais comme un sot dans un campement d'Arabes. Ah, quelle chasse! Voyez-vous, monsieur Kennedy, un chasseur ne sait pas ce qu'est une chasse s'il n'a été chassé lui-même. Et cependant, s'il le peut, je lui donne le conseil de ne pas en essayer. Mon cheval tombait de lassitude. On me serre de près, je m'abats. Je saute en croupe d'un arabe. Je ne lui en voulais pas et j'espère bien qu'il ne me gardera pas rancune de l'avoir étranglé. Mais je vous avais vu, et vous savez le reste. Le Victoria court sur mes traces et vous me ramassez au vol comme un cavalier fait d'une bague. N'avais-je pas raison de compter sur vous? Eh bien, monsieur Samuel, vous voyez combien tout cela est simple. Rien de plus naturel au monde. Je suis prêt à recommencer si cela peut vous rendre service encore. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, mon maître, cela ne vaut pas la peine d'en parler. Mon brave Joey, répondit le docteur avec émotion, nous n'avions donc pas tort de nous fier à ton intelligence et à ton adresse. Bon, monsieur, il n'y a qu'à suivre les événements, et on se tire d'affaire. Le plus sûr, voyez-vous, c'est encore d'accepter les choses comme elles se présentent. Pendant cette histoire de Joey, le ballon avait rapidement franchi une longue étendue de pays. Kennedy fit bientôt remarquer à l'horizon un amas de cases qui se présentait avec l'apparence d'une ville. Le docteur consulta sa carte et reconnut la bourgade de Tagelel dans le Damergo. Nous retrouvons ici, dit-il, la route de Barth. C'est là qu'il se sépara de ses deux compagnons Richardson et Overweg. Le premier devait suivre la route de Zinder, le second celle de Maradi, et vous vous rappelez que de ces 3 voyageurs, Barth est le seul qui revit l'Europe. Ainsi, dit le chasseur en suivant sur la carte la direction du Victoria, nous remontons directement vers le nord. Directement, mon cher Dick. Et cela ne t'inquiète pas un peu, pourquoi? C'est que ce chemin-là nous mène à Tripoli et au-dessus du grand désert. Oh, nous n'irons pas si loin, mon ami, du moins je l'espère. Mais où prétends-tu t'arrêter? Voyons, Dick, ne serais-tu pas curieux de visiter Tombouctou? Tombouctou? Sans doute, reprit Joey. On ne peut pas se permettre de faire un voyage en Afrique sans visiter Tombouctou. Tu seras le 5e ou 6e Européen qui aura vu cette ville mystérieuse. Va pour Tombouctou. Alors laisse-nous arriver entre le 17e et le 18e degré de latitude, et là nous chercherons un vent favorable qui puisse nous chasser vers l'ouest. Bien, répondit le chasseur, mais nous avons encore une longue route à parcourir dans le nord. 150 000 au moins. Alors, répliqua Kennedy, je vais dormir un peu. Dormez, monsieur, répondit Joey. Vous-même, mon maître, imitez monsieur Kennedy. Vous devez avoir besoin de repos, car je vous ai fait veiller d'une façon indiscrète. Le chasseur s'étendit sous la tente, mais Ferguson, sur qui la fatigue avait peu de prise, demeura à son poste d'observation. Au bout de 3 heures, le Victoria franchissait avec une extrême rapidité un terrain caillouteux, avec des rangées de hautes montagnes nues à base granitique. Certains pics isolés atteignaient même 4 000 pieds de hauteur. Les girafes, les antilopes, les autruches bondissaient avec une merveilleuse agilité au milieu des forêts d'acacia, de mimosa, de soua et de dattier. Après l'aridité du désert, la végétation reprenait son empire. C'était le pays des Kelwa, qui se voilent le visage au moyen d'une bande de coton, ainsi que leurs dangereux voisins, les Touaregs. À 10 heures du soir, après une superbe traversée de 250 000, le Victoria s'arrêta au-dessus d'une ville importante. La lune en laissait entrevoir une partie à demi ruinée. Quelques pointes de mosquées s'élançaient çà et là, frappées d'un blanc rayon de lumière. Le docteur prit la hauteur des étoiles et reconnut qu'il se trouvait sous la latitude d'Agadez. Cette ville, autrefois le centre d'un immense commerce, tombait déjà en ruine à l'époque où la visita le docteur Barth. Le Victoria, n'étant pas aperçu dans l'ombre, prit terre à 2 000 au-dessus d'Agadez, dans un vaste champ de millet. La nuit fut assez tranquille et disparut vers les 5 heures du matin, pendant qu'un vent léger sollicitait le ballon vers l'ouest et même un peu au sud. Fergusson s'empressa de saisir cette bonne fortune. Il s'enleva rapidement et s'enfuit dans une longue traînée des rayons du soleil.